supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supiera? Chapitre 7. Un jour que Benigno décidait à dire adieu aux affaires, mais enragé de complaire à Doña Primitiva, peu désireuse de laisser des créances en souffrance, avait entrepris le court voyage de Toboadongo à Iquique à seule fin de réclamer des sommes au dernier de ses débiteurs, il entra, sans trop savoir pourquoi, et poussé par un instinct dont il ne fut pas le maître, dans le grand bazar national ipariciano de Don Eulogio Fuencagaral y Berida Dogaraga. Il connaissait un peu le propriétaire de ce pompeux établissement. Toutefois, le besoin de serrer la main loyale et velue de l'industriel n'était pas assez impérieux en lui pour l'attirer seul vers les étalages de vaisselle à fleurs, de pots de pommade, de ceintures de gymnastique, de lunetterie et de pantoufles pseudo-turques. Don Eulogio lui parut bizarre, contraint comme ennuyé de le voir. Reyes ne s'en préoccupa guère et, pour justifier en quelque sorte sa visite parfaitement inutile, marchanda certains portefeuilles, le seul qui fut noir et de fabrication décente au milieu d'une grosse de ces vagues marocains. « De vrai, Don Benigno ! » s'écria le distingué négociant. « C'est une chose merveilleuse. C'est vous qui me fournissez une transition pour vous parler d'une légère, d'une vénielle négligence que j'ai à cœur de réparer. Voyez, c'est le seul article de seconde main que renferme mon petit Louvre, si connu dans toutes les Amériques pour ne vendre que des articles admirablement établis et neufs. Mais ce portefeuille était en si bon état que je n'ai pas cru devoir être assez cruel pour en priver l'un de mes innombrables clients sous prétexte qu'il avait servi aussi peu, sans doute. Regardez, pas une éraillure, et le cuir, de première qualité, n'est terni nulle part. Frais comme l'œil d'un enfant. Et savez-vous que c'est par une interposition de la divine providence que l'objet vous plaît ainsi, tout de suite, à peine entrevu, car... Et la grosse voix gutturale de Don Eulogio prit un ton sacerdotal, confidentiel. Car, mon cher ami, ce portefeuille vous était vraiment destiné par cette providence, à vous seul. Benigno crut le Fuerenca victime d'un subit accès de folie, peut-être dangereuse. Il fouilla dans sa poche un revolver. Mais Don Eulogio reprit avec beaucoup de calme. Et non cependant sans un faible, très faible, embarras. Je l'ai acheté ce portefeuille au Callao, à l'agence des Patagones, avec tout un lot de robes, de bijoux et autres babioles de l'équipage d'une señora passagère décédée il y a quelques 6 mois, entre Guayaquil et Payata, sans héritier connu. Or, j'avais retiré distraitement de ce portefeuille une enveloppe et un paquet de photographies que j'avais placées dans le premier tiroir venu sans les regarder. Mais voici peu de semaines de cela. Cherchant un jour une vieille facture ou un compte de frais, j'ai remis la main sur l'enveloppe. Et quelle n'a pas été ma stupéfaction en la trouvant adressée à Don Benigno Reyes de Toboadongo. J'aurais dû vous l'envoyer immédiatement, mais j'ai craint... Plutôt, je me suis dit, Don Benigno ne sera pas sans nous favoriser de l'une de ses bienvenues et flatteuses visites avant qu'il soit longtemps. Et j'ai attendu. Tenez, je vais vous chercher l'enveloppe et le paquet de portraits. Développant un papier de soie, Reyes découvrit une dizaine de portraits de Pepa Ramos, tels qu'il avait vu à leur dernière et inoubliable rencontre. Puis tout angoissé, il ouvrit l'enveloppe qui portait son nom et son adresse. Elle refermait une autre photographie de Pepa, mais de Pepa à 16 ans. de la ligne qui lui avait si cruellement rayonné par un soir rose, là-bas, à Tenerife. Il retourna la carte, rien, pas un mot d'écrit. Qu'avait-il désiré lire là? Et il s'absorba dans la contemplation des traits adorables de celle qui avait empoisonné sa vie, inconscient de la curiosité de Fuencarral et Beridangogara. Brusquement, il s'imagina que le portrait s'animait. Un rire joli et féroce distendit la bouche exquise, le rire du soir détesté. Les mignonnes dents apparurent lumineusement blanches, mais la face émacia, les joues se creusèrent, les yeux s'éteignirent puis se fermèrent, et Benigno n'eut plus en face de lui qu'un beau visage de morte, un peu défiguré par un rictus douloureux. Quand Don Eulogio lui eut suffisamment bassiné les tempes de vinaigre et d'alcool, Reyes se leva d'un bond et voulut s'enfuir dans la rue avec le portefeuille et les portraits. Il allait dépasser le seuil du grand bazar quand la voix de Fuencarral s'éleva, psalmodiant d'un ton plaintif. « Hombre, le porte-carte, vos 3 pesos !» Benigno revint sur ses pas. « Et les retratos, voyons. Je ne veux pas surfaire, disons, 3 autres pesos. » Les éminentissimes photographes de Lima ou de Santiago de Chile ne livrent jamais la douzaine à moins de 3 piastres fortes. J'y perds. Mais qui ne ferait un sacrifice pour vous obliger? Allons, nous dirons en tout 7 pesos, les cartes étant dorées sur la tranche. C'est trop juste, ricana le Tiafeño, qui paya et courut se réfugier à l'hôtel qu'il ne quitta plus jusqu'au départ du vapeur chilien. Il ne voulait de sa vie remettre le pied sur un pentagone. Sa gratitude pour les sévères gâteries de Doña Primitiva grandit encore et son chagrin se mua bientôt en abrutissement. Il bâtit d'abord par ordre, puis pour son propre plaisir, les gamins à face de sous neuf qui disloquaient la sonnette. S'intéressa aux légendes quichuas de sa belle-mère, but du pisco, voire de la chicha avec elle. L'aida bientôt à perpétrer de hideux travaux prétendus artistiques où des plumes multicolores se combinaient avec des graines desséchées, des perles de verre, de petits coquillages et même avec des écailles nacrées et translucides provenant de certains poissons rares et aux côtés. À le voir si raisonnable, Soledad le prit jusqu'à un certain point en affection, peut-être un peu tard. Il ne sortait presque plus, et dans la pénombre d'une grande pièce nue, où le soleil n'entrait que sous forme de minces nappes jaunes tombantes, pulvérulentes d'atomes, glissant des interstices des jalousies, s'étiola doucement entre les éternels vieillards et la sournoise petite idole. Toujours occupé de minutieuses et niaises besognes. Il en vint à oublier l'espagnol, à ne plus employer en d'interminables bavardages pleins d'étrangetés saugrenues que le dialecte quichua, cher à sa belle-mère. S'imprégna du sens occulte de tels contes de l'autre monde où des dieux de cuivre rouge, aux chevelures d'astres, aux claquantes ailes de bêtes antédiluviennes, tourmente avec une profonde et naïve méchanceté d'inquiétants microcéphales ahuris de frayeur et finit par ressembler grotesquement au souriant, placide et grimaçant Don Prudencio, ce dont les deux femmes lui furent reconnaissantes comme d'une preuve d'amitié. Que ce fut lente infiltration des 3 âmes qui cernaient la sienne, ou atavisme de vieil Atlante, plus vieux que les Guanches et secrètement apparenté aux races brunes de l'hémisphère occidental, il éprouva de plus en plus la bizarre et obscure impression de sentir s'éveiller au fond de son être une nature mystérieusement indienne. Il se complut en de longues songeries fantasques dont il n'eut plus bientôt qu'une honte, entrevit des soleils qui parlaient, faisaient des moues sauvages en débitant des prédictions horribles, et sibylline chevaucha des vautours d'or qui l'emportaient vers des cieux aveuglants, tout flaves mais rouges aussi du sang de Calécatombe, s'anéantit à demi en des océans de lumière trop forte, trop glorieusement stupéfiante. Par les après-midi brûlantes, où l'âcre souffle du port le suffoquait, l'empoisonnait d'une haleine de peste, il rêva aux fraîcheurs ombreuses des nécropoles des hauts plateaux, baignées d'un air si violemment bleu que le crépuscule même des voûtes souterraines se teinte de sombre saphir. Se vit ridiculement et béatement accroupi dans une grande jarre funéraire, comme les bienheureuses momies de Cajamarca et de Huaraz qui sourient depuis 30 siècles. Et au rare moment où il y revenait un peu de claire conscience, il comprenait le cœur serré que le jour où, sur l'océan glauque, lui était, de façon si troublante, et pour l'unique fois, réapparue sa côte natale, lui annonçant l'approche de l'aimé de ses jeunes années, avait été le jour de ses adieux à sa terre, à sa race, et peut-être même à sa propre personnalité. Fin. Los amigos ya no vienen ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho. De si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la ventana como cuando estabas vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.